peine tes sous si je mets ça sur mon dos. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé. Baby, je t'emmène en vacation. Les formes en poly, yeah. Baba, Dubaï, l'Espagne, Napoli, dis-moi où tu veux. Le père quand je look somebody, un boulot dans son bordel. Elle mérite sa bague au doigt, si seulement à moi reste fidèle. Ouais, c'est la folie. Balma au Gucci, des balades sur Paris. Un bourrème, genre la Ferrari. Balma au Gucci, des balades sur Paris. Mama si, mama ça, même avec on vous a. Le verger parfum fait qu'elle s'attache à moi. En dans la brève, en face de dodo. Des peines, des soucis, je mets ça sur mon dos. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. On lit pour ta bien ma pique. On lit pour ta bien ma pique. J'aime quand tu bats lola. Ok, fais-le. Mama si, mama ça, mama veut qu'on vous sape. Le verger parfum fait qu'elle s'attache à moi. Rendant la brève, en face de dodo. Des peines, des soucis, je mets ça sur mon dos. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Viens bébé, viens bébé. Sur mon dos.